Bonjour. Bonjour. On commence peut-être avec une présentation de ta personne, de ton âge, ton nom, tes loisirs. Alors, je m'appelle Danny Ousner, j'ai 57 ans, je suis prof de sport et puis mes loisirs sont les sports, le volley surtout, les sports nautiques, le ski et puis je me balade souvent dans les marchés aux puces. Très bien. Tu as eu une éducation bilingue. Est-ce que tu me pourrais raconter quelque chose sur ton enfance d'abord? Mon éducation était bilingue parce que mon père est suisse romand, il vient de Saint-Blaise, dans le canton de Neuchâtel. Puis ma mère elle-même, elle était bilingue, elle était de Berne, mais sa mère à elle, donc ma grand-mère, était aussi de Suisse romande, de Bière. Donc à la maison, on parlait que le français, bien qu'on habitait à Bâle. Donc, dans quel contexte? Puis après, tu as parlé en suisse allemand et dans quel en français? Parce qu'à l'école, tu as commencé à parler en allemand, je crois. Ben, je pense, oui, c'est clair qu'au jardin d'enfants, c'est là que j'ai commencé à apprendre l'allemand, mais je parlais pas du tout l'allemand. J'étais donc le français, hein. Ils savaient pas que j'étais un Suisse romand, mais j'étais le Le français. français. Et puis, à la maison, on continuait à parler le français, surtout avec mon père. Avec ma mère et puis ma sœur, ça commençait gentiment en allemand, mais à la maison, normalement, on parlait français. Et puis à l'école, c'était difficile. Ben c'est clair qu'au début, c'était très difficile parce que je ne comprenais rien, pratiquement rien. Mais je me rappelle que à la fin du jardin d'enfance, ça allait déjà beaucoup mieux et puis que j'étais quand même assez à l'aise aussi en allemand. Quelle langue est-ce que tu as préféré utiliser et pourquoi? Donc maintenant, c'est clair, je préfère l'allemand. Parce que je suis né à Bâle, j'ai toujours vécu à Bâle, donc j'étais toujours dans ce contexte suisse-alémanique. Et puis le français, ben, ça, c'était pendant les vacances et puis avec mes parents. Donc je préfère vraiment l'allemand. Donc, d'abord, le français était dominant. Et puis c'était l'allemand. Ça Voilà, a changé ça a quand tu as changé. suivi. Je pense, je me rappelle qu'autour de 10 ans, je commençais tout à coup à parler français avec un accent fédéral. Donc, il y a le suisse-allemand qui commençait à prendre le dessus. Et puis, ben, après, ça allait mieux, quoi. Trouves-tu que ce bilinguisme t'a donné un avantage aux gens qui ont grandi avec une seule langue? Ah oui, je pense bien, parce qu'à l'école, moi j'étais assez juste. Et puis, j'ai eu une grande chance de pouvoir passer ma matu grâce à une bonne note au français. Mais c'est un avantage, surtout un avantage dans un pays bilingue. Et puis, comme on passait toutes nos vacances en Suisse romande, c'est bien sûr, c'était un avantage. Et aujourd'hui, quel est ton rapport avec la langue française? Ben, c'est un peu moins grand, disons, parce que il y a ma mère qui habite à Saint-Blaise, donc on va toujours en Suisse romande. Mais avec elle, maintenant que mon père est décédé, on parle l'allemand ensemble. Rarement le français. Avec ma famille ici, et puis mes gamins qui ne sont pas bilingues, on parle que l'allemand. Donc c'est vrai que j'ai perdu un peu le français, mais j'aime aller en France, j'aime aller à Paris. Je regarde souvent la télévision française. Et puis j'essaye de maintenir le français comme je l'ai maintenant, quoi. Et pour tes filles, tu n'as pas voulu les éduquer de manière bilingue? Mais c'était une question qu'on s'est posée au début. Pour moi, ce n'était pas très naturel parce qu'on était à Bâle. Ma femme ne parle pas très bien le français, elle ne comprend pas très bien le français. Donc, si j'avais commencé à parler français avec mes enfants, ça aurait été comme quelque chose de, pour moi, pas très naturel. Moi aussi, je m'exprime mieux en allemand. Donc, ça aurait été vraiment, ça aurait été un peu forcé. Oui, je pense que c'est ça. Merci beaucoup. Mais de rien, à la prochaine. Oui.